arrêté de mêler. De mon vocaux, on a du mal à s'en remettre. J'suis le rappeur dans l'ombre qui a peur de se faire connaître. Écrit morceau pour attirer les traits. J'garantis personne peut me la mettre. Une majuscule posée dans le crépuscule. Des grimes coupées par des virgules. Mon passage pour les crapules. C'est du haut de ma vie, te jure. 69 la trique pélo. Section 22 sur le polo. C'est mon rap qui te rattrape. C'est un capa, tu l'attrapes. De mon micro, y'a tout qui s'en échappe. Le S.H.O. Ne s'est jamais échappé. Y'a comme un feu de jamais vu, d'un air de déjà vu, des représailles dans ma rue. Si tout en avait qui l'aurait cru, je rentre dans ma spirale, garde mon style infernal. C'est les rafales de chaud et toi, ça va faire mal. Vraiment, je perds l'auto verbal. C'est des balles, une bombe qui s'emballe. C'est le lyonnais qui déconne, que nul ne reconnaît. 6-9 est prêt à dégommer, prêt à dégainer. Jamais assidu dans les cités de toutes les cités. Mon son passe dans les allées, des chiffres aucun numéro, des arts qui finissent à l'héros. Des bébés pour dire qu'on est tous des héros. Des soirées jamais au sirop, et 6-7 bits au kilo. Et tout ça c'est pour toi, Pélo. C'est l'authentique Narvalo, c'est l'officiel Iclo. Je viens à dévoyer, voir déglinguer les enfoirés. À l'aide d'une grenade dégoupillée, armée d'une tabaca empoisonnée. Je suis paré à tous ces déréglés d'obscurité. Je vais finir par tous les épingler. Je viens à dévoyer, voir déglinguer les enfoirés. À l'aide d'une grenade dégoupillée, armée d'une tabaca empoisonnée. Je suis paré pour tous les déréglés. Il y aura pas de demi-finale dans ce récital. Où sont les pédales en cavale? C'est mon rap, c'est ma sauce, mon gras, son pierre d'ombal. C'est mon flow, c'est mon taille qu'on étale. C'est du lourd, donc c'est de lion. C'est du pur, donc c'est de lion. C'est de lion, donc si tu brûles, on garde la flèche pour atteindre notre but. Ici on s'en bat les coups de la chute. Un petit